بسم الله الرحمن الرحيم. طيب التمارين لليوم قلنا الأسئلة عجيب عن الأسئلة الآتية. أين يعني من الدرس 21 الدرس 21 والثاني Qui est étonné que l'aide financière soit venue malgré que les routes soient coupées. Et qu'Allah il détruise le vent filant. Ouais, enfin, il a fait un doigt qu'Allah il détruise le vent filant. Bon, tu peux faire un khoul à ça des ism al-mamnou min al-sarf. Un capitulatif. Yani d'abord, c'est quoi c'est... Qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui fait que ce nom diffère des autres? Qui prennent pas de tenouin et qui prennent pas la kassa quand ils sont mis à côté. Non. Voyez. Donne-moi certains exemples. Il y a les noms propres féminins. Isma'alam al-Mu'annas. Non. Comme Aïchat ou Mariam. Non. Après, il y a des noms masculins qui ont une forme féminine, comme Hamzatou, Tahatou. Non. La même chose. On a vu les couleurs pareilles. On a vu qu'il y avait les mots étrangers à la langue arabe comme les noms de pays ou les noms propres étrangers, ils prenaient la même chose. Asma al-A'lam al-A'jami. Les noms comme Akbar, Aydan, Ahmed. Et les noms qui finissent avec un alif, Mabdouda. Avec un alif. Alhamdoulilah. Kibar al-A'lama. Tayyib. الآن سندخل في الدرس الثالث والعشرين وددان justement il donne des exemples avec justement le jar avec la fatha. ايه من الولد اه ايه لا تبعد تدي كوى الثالثة ولا الثاني الدرس الثالث والعشرون ولا في الهندة نعم ايوه نسيت وهذا يعتبر آخر درس يتلوث الدرس درس الكتاب. طيب أنا المدرس وأنت أحمد وأنت عباس وحامد. طيب نعم أنت الثلاثة. طيب من أين أنت يا أخي؟ أنا طالب جديد. طيب ما اسمك؟ اسمي أحمد. أحمد من أين أنت؟ أنا من باكستان. باكستان. عندي 7 دفاتر لمن هي؟ هاتي يا أستاذ. يا أستاذ. هذا لي وهذا لمحمد وهذا لحامد وهذا لإبراهيم مق. وهذا لعثمان وهذا ليوسف وهذا لطرحة وهذا لطرحة. هذا كتابك يا محمد؟ محمد. هذا كتاب حمزة. أين علي يا إخوان؟ ذهب إلى الرياض. وأين يعقوب؟ ذهب إلى مكة. أين إسحاق؟ خرج إلى المدير. متى خرج؟ خرج قبل 5 دقائق. طيب. الدرس المدرس يقول من أين أنت يا أخي؟ دو إتي أم فخير. أحمد يقول أنا طالب جديد. Je suis un nouvel élève. المدرس يقول ما اسمك؟ Quel est ton nom? Ahmadou Yakoul, Ismi Ahmadou. Mon nom est Ahmed. Et Ahmed, c'est parmi les Asma Manou Nassar, donc pas de Tanouin. Al-Mudarris Yakoul, Min Aina Ant. Ahmed Yakoul, Ana Min Pakistana. Donc là, regarde, ça applique la règle. Vous voyez, Min Pakistana et non pas Min Pakistanin. Pakistan, c'est un ism. Ism Arjami. C'est un nom propre étranger. Vous voyez, et c'est un nom de pays. Donc tu dis Min Pakistana. Al-Mudarris Yakoul, Indi Sabratu Dafatira. Limaniya. J'ai 7 cahiers, à qui sont-ils? Donc regarde là, Dafatira. Dafatira, on n'a pas dit Dafatirin. Il y en a Dafatir, il vient à la forme de quoi? Mafa'il. Comme Mafajid, Mafatih. Donc on a dit que cette forme de pluriel est Mamnouan Nesarf. Donc tu dis Khamsatu Dafatira. L'ana, on a dit le Mardoud, de Salata il est Ashara, il est Mudaf ilay. Donc il est censé prendre 4 ans. Mais là il prendra une Fatha. Abbasun Yakul, Hati Yaoustez. Hati, ça signifie un amr, impératif, qui veut dire donne. Vous voyez? Et il y a des verbes, on appelle ça un fi'l jamid. C'est un verbe qui ne s'emploie que pour un temps. Et Hati, il n'a pas de mandi, il n'a pas de mudarir. Il s'emploie que à l'impératif. Comme Allah Ta'ala, wa hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Et apportez vos preuves si vous êtes véridiques. Vous voyez? Hat, tu vas dire Hati à une femme. Tu vas dire Hati. Comme ça, juste avec une kasra à un homme. Tu veux dire hatu à des hommes. Tu veux dire hatna à des femmes. Mais sinon, il n'y a pas le fil hata, il y a ni le mandé. Tu vois, il vient que en ombre, que en impératif. Il y a des verbes comme ça, tu verras plus tard, ils viennent qu'une seule forme. Tu vois, ils viennent qu'une seule forme. Tu vois, donc, donne au professeur. Azali, celui-ci est à moi. Azali Mahmoud. C'est-à-dire donne au professeur? Non, donne-moi. Hati, c'est-à-dire donne-moi à moi. Il n'y a pas dit hein. À quoi? Hati. Là, regarde, c'est une kasra. Hati. Ajib. Wa hadha li Muhammadin. Celui-ci est à Muhammad. Et hadha li Hamidin. Celui-là est à Hamid. Wa hadha li Ibrahima. Et celui-là est à Ibrahim. Ibrahim, on a dit, c'est quoi? C'est un ism. Alam Arjami. C'est un nom propre, non arabe. Donc, il est mamnoum le sorf. Donc il ne prend pas de kasra, il prend une fatha. C'est pour ça qu'on a dit l'Ibrahima. Wa hadha li Othmana. Et celui-ci est Othman. Othman pareil. On a dit c'est un nom propre qui finit qu'un alif ou un noun. Comme Nu'man, Radouan, Marwan. Wa hadha li Yusufa. Et celui-ci est Yusuf. Yusuf c'est comme Ibrahim. C'est un nom. C'est un nom arabe, c'est un nom étranger. Nom propre, non étranger. Un nom propre étranger. Là, Yusuf, là. Maintenant c'est les Arabes qui l'ont posé que c'est un nom musulman. Mais c'est pas d'origine, c'est pas un mot tiré de la langue arabe. Wa hadha li Talhata. Et celui-ci est Talha. Et Talha c'est quoi? Il a une forme d'un ism alam mouannas. Il ressemble à un nom féminin. Al-Mudarris Yakoul. Ahaza kitabuka ya Muhammadou. Et est-ce que celui-ci est ton livre ou Muhammad? Ahmed Yakoul. La ahaza kitabu Hamzata. Non, c'est le kitab de Hamza. Vous voyez? Et la Hamza, il est quoi? Mudarris ilay. Donc il est censé prendre kasra. Mais comme il a un shakl de ism alam mouannas, il est mamnoum nassar. Comme Tolha. Al-Mudarris Yakoul. Aina aliyun ya ikhwanou. Où est Ali ou les frères? Hamid Kolez Zahaba il Riyad. Il est parti à Riyad. Al-Mudarris Yakoul, Waina Yaqoubou. Et où est Yaqoub? Yaqoubou, on a dit c'est quoi? Ism Alam Abjami. C'est un nom propre, non arabe. Donc il ne prend pas de tanouin. Hamidoun Yakoul, Zahaba il Mekkata. Il est parti à Mekka. Et Mekka c'est quoi là? Mekka c'est Ism Alam Mouannas. C'est un nom propre féminin. Donc je dis Mekkata. Al-Mudarris Yakoul, Aina Ishaq ou Ishaq. Taïeb, Ishaq c'est Ism Arjami. Ism Alam Arjami, c'est un nom propre, non arabe. Mohamed Yakoul, Kharaja al-Mudiri. Il est allé, il est sorti chez le directeur. Taïeb, Al-Mudarris Yakoul, Mata Kharaja. Donc quand est-il sorti? Mohamed Yakoul, Kharaja Kabla Khamsi Daqa'iqa. Donc regarde, Kharaja, ça c'est un fiel mardi. Le fait c'est un moustatir, Houa. Qabla, c'est un zarf, zaman. Wa khamsi, il est mudaf, qabl il est mudaf. Wa khamsi, il est mudaf, il est de qabl. Donc il est majrour. Mais il est muzakkar, pourquoi? Parce que le ma'doud, c'est daqiqa, il est mouannas. Donc je veux dire daqa'iqa. Et daqa'iqa, il a la forme de mafatih, mafa'il, mafajid. Donc il est mamnoum nasarf. Donc tu vas dire khamsi daqa'iqa. Et non pas daqa'iqin. طيب الإمام المصرف. Tu vois Ishaq et Ila là dans la deuxième page, le tout premier et la deuxième. Aina Ishaq wa Ila al Mudir. Aina Ishaq. Tout de suite d'après. Aïwa, Aina Ishaq ou Kharaja al Mudir. Il y a le petit alif là, eux ils l'ont mis pour qu'on sache ou on l'écrit quand tu l'écris. Ishaq à la base écrit avec l'alif. Le petit alif. Il s'écrit l'alif. Mais des fois tu peux mettre ça pour faire croire qu'en fait il y a un alif qui a été. C'est comme Ar-Rahman. Sur Ar-Rahman, il y a un alif. Mais ils mettent des fois cette petite apostrophe pour pas le pour pas écrire le alif. Et il est pareil, tu le mets quand tu écris ? Non. Il est non, c'est comme ça, c'est un alif maqsour. Alif maqsoura. Il y a le petit, tu l'as pas le petit alif ? Ou c'est un trait que moi je. Je l'ai aussi, mais normalement il n'y a pas besoin. Normalement il n'y a pas besoin, d'accord. C'est pour nous. Pour... Ah non. Okay. Il est, c'est alif maqsoura. Comme Moussa, Moustachfa. Ah d'accord, tu prends le maître du alif maqsour. Il est. Ouais. Ayub. Salam alaikum. طيب فيقول الآن تأمل الأمثلة الآتية مديت لزيزم سويفا أناليز محمد طيب محمد إلى كل شيء لا عندي تو اسم علامة عربي ده يقومات أو شيء نواصل نكتشني درس الثالث والعشرون ها Donc, Mohammedun. Mohammedun, ism arabi. Taïb. Ism alam arabi. Donc, il n'y a rien. Donc, il y a un tanouin. Mohammedun. Avec le jar, min Mohammedin. Taïb. Il est Mohammedin. Les Mohammedin, kitabu Mohammedin. Donc, dans les trois exemples suivants, il met un harf jar et le dernier avec un moudafilay. Donc, ce nom-là, il n'y a rien. Il prend un tanouin. Taïb. Et il prend le kasra dans le jar. Parce que ce n'est pas un ism mamnoun sauf. Et après, il donne un exemple avec Zainab. Zainab wa ism alam mu'annas. Mon propre féminin, donc il est mamlou mesarf. Donc tu vas dire min Zainaba, il a Zainaba, li Zainaba, kitabu Zainaba. Vous voyez, dans le jar, il prend une fatha et non pas une kasra. Yakul ikra waktoum. Donc vous allez lire ces phrases-là en prononçant chaque harakat. Le jumel oula, avec Mohammed. Kitab, hala kitab Mohammedin. أيوة الجملة الأولى تليك كل الحركات هذا الكتاب لمحمد وذلك لزينب نعم سلو الكتاب محمد السلسي تاء زينب ذهب خالد إلى أحمد أحمد يا فدمد إلى أحمد أنا مسكو شرشة نعم دوك خالد est parti خالد أم خالد خالد Donc Khalid est parti chez Ahmed. Cousin Ahmed. Donc Ahmed là il est quoi? Ahmada. Il est Ahmada. Nam. Il est Khalidin ou Khalidin? Khalidin. Il est fa'il. Faddal, je me fais aller. Zahaba Abi il a le Makata wa Zahaba Ali il a. Nam. Mon père est parti à Mecca et. Mon oncle paternel est parti à Jeddah. Jeddah c'est Saoudia. Jeddah c'est Jeddah. Non, Jeddah c'est la grand-mère. Mais pourquoi il n'y a pas Alif Oudlam? On n'a pas vu que c'était défini les noms de villes, je sais pas. Pas forcément. Non, c'est les pays qui sont forcément. Pas forcément. Faransa, il n'y a pas d'Alif Oudlam. Ouais. Mecca, il n'y a pas d'Alif Oudlam. Ah, d'accord. Donc, mon père est parti à Mecca. Donc, Mecca, on a dit Esh, Ism Mu'annas, Alam Mu'annas. Donc, Mamoun Masarf. Il est Mekkata. وذهب عمي الى جدته كذلك جده اسم علم مؤنث لانه تجي جده الى جدته طيب رابعه عندك قادر اخت مروان مريضه نعم الاستاذ مروان امالاد دونك لا مروان il est quoi il est مضاف اليه دونك il est censé être مجرور il est اسم علم مع الف والنون C'est un nom propre auquel on a rajouté un alif à nous à la fin. Donc tu veux dire Urt Marwana. Nam. Khamisan. London. C'est quoi la haraka? London. Nam. Où est le mari de Khadija? Il est à Londres. Donc, L'al-Shahid, c'est Khadija, ce qui est le Moudaf Ilayhi. Donc Khadijata. C'est Ism Alam Mouannas. C'est quoi que Moudaf Ilayhi, c'est pas dit Khadija. C'est-à-dire, donc il est Ism Alam Mouannas. Et Wafi London, il est à Londres. London, Ism Alam Arjami. C'est-à-dire, c'est aussi un nom de pays. Donc c'est un nom propre, non arabe. Il rentre dans le hukm de quoi? De Youssouf, de Ibrahim. Donc je dis Filondona. الجملة الثالثة سيارة حامد جديدة وسيارة إبراهيم قديمة نعم la voiture de Hamid est neuve et celle de Ibrahim est vieille donc là le شاهد c'est سيارة إبراهيم طيب إبراهيم c'est اسم علم عجمي c'est un nom propre non arabe étranger donc il est مضاف إليه donc tu mets une fatha إبراهيم D'ailleurs, dans les, souvent dans les noms africains, ils sont tous en nom de sorf. Ibrahima, Daouda. Ils mettent, ouais, ils mettent tout le temps la fatha à la fin. Fatoumata, par exemple. Ils mettent tout le temps la fatha à la fin. Ils ne mettent pas la dhamma. Ils mettent la fatha. Les Vendek. Donc c'est Hamid, Hamidin, hein. Sayyarat Hamidin, Dalilatin. Naam. Alors, la jumla est ça bien. Aït Khalidin Kabirun, Aït Usama Kabirun. Non. La maison de Khalid est grande et celle de Usama est petite. Donc, Al-Shahid c'est Usama. En Moudouf Ilayi, on a Ism, à la Shakl, Ism Alam Mouannas. Il a l'apparence d'un nom propre féminin. Donc, tu dis Bait Usama. Saminan. Aïna Zahaba Abouka, Ya Layla. Naam. Où est parti ton père, oh Leïla? Il est parti à Bagdad, comme on traduirait. Donc là. Pourquoi c'est Abu et pas Abba? Quand t'as appris Abba? À quel moment t'as appris Abba avec nous? Quand t'as appris Abba? Là, tu as une porte très large. Tu as posé des questions sur ce qu'on n'a pas pris. On a dit, quand le Abu ou Akhu, quand ils sont au Marfou avec son Moudaf, on les écrit avec un Waou. Là, c'est un Fa'il. Et là, Zahaba Abouka. C'est le Fa'il de Zahaba. On a dit, les noms comme Abu, Akhu, quand ils sont Moudaf et qu'ils sont Marfou, on les écrit avec un Waou. Donc, le Shahid, c'est Bagdad. Il est parti à Bagdad. On va dire Bagdad. T'as Bagdad c'est Ism Alam Arjami. C'est un nom propre non arabe. Donc il est Bagdada. Bagdada. Nam Tatian. Si Istanbul a masajidun kathir. Et chou? Aïd. Si Istanbul a masajidun kathir. Aïwa. Wa alaykoum as-salam. Donc à Istanbul il y a beaucoup de mosquées. Donc si Istanbul a, c'est quoi? Ism Alam Arjami. Donc, c'est Istanbul. Ou Masajidu, il n'y a pas de Talwin. Vous voyez, les nafs indiens ont la forme Masajid, Masa'il, Akada. Naam. Ashiran. Aïd. Aïd. Oli. Aïd. Naam. Masajiha. Naam. Donc, j'ai cinq clés. Donc, le Khamisatu. Ou Khamis à tout, ça dit. Oui. Donc là, le Shahid, c'est ma Fatih. Elle dit quoi? Hein? Elle dit quoi là? La première, je me suis trompé, j'ai pas fait. Elle a corrigé. J'ai dit Khamis à tout. Mm. Et c'est quoi? Khamis à tout. Donc là, ma Fatih, c'est le Shahid, il est Moudouf Ilayi, de Khamsa, et il est un djem qui a l'apparence du mamnoun de Sarf, donc on dit ma Fatiha, et non pas ma Fatihin. Naam. Hadiat Asha. Al-Ka'aba, tu fais ma Kata. نعم الكعبة هي مكة دونك لا شايف في مكة اسم علام مؤنث في مكة ثانية عشر في هذا الشارع ثلاثة مساجد نعم في هذا الشارع ثلاثة مساجد دونك الشايف في مساجد أو مساجد طيب دونك ثلاثة مساجد ثلاثة مساجد مضاف إليه ثالث عشر هذا الطير اسمه ويليام وهو من لندن من لندن وذلك اسمه لويس لويسو لويسو وهو من باريس. طيب ce médecin c'est Louis en fait. Ce médecin s'appelle William et il est de Londres. Et celui-là, son nom est Louis et il est de Paris. C'est une dame qui a fait. Non. Il se bouge Louis sous. Et William pareil, William. Non. Donc Al-Shahid, le premier c'est William. Vous voyez. Prends pas de tanouil que c'est Ism Alam Arjami. Fani London. كذلك تدي من لندن اسم علم أعجمي ثم لويسو طيب اسم علم أعجمي وباريس كذلك اسم علم أعجمي Il est marfou. Ouais, il est marfou, mais j'ai dit pourquoi il serait en majour. Bah, range le majour si tu veux. Elle a baïtou Louis, ça, non. Mais là, dans la phrase, il n'est pas majour. Il est marfou. Tu veux changer les règles ? Non. Tayyib. Rabi Achar. Faddal. Sayyarati. Sayyarati. Aïwa. Launa. سيارتي لونها لونها لونها أخضر لا يا بدمد أخضر أخضر نعم ma voiture est de couleur verte ou la couleur de ma voiture est la verte بشهيد c'est أخضر طيب يا بد تنوين ثم خامس عشر عندي قلم أحمر عندي قلم أحمر قلم قلم أحمر نعم J'ai un stylo rouge. La fréchette, c'est Ahmar. Vous voyez, Ahmar ou Bidoun Tanouin. Ça, dit ça, Achar. Là. C'est ça que tu as fait, toi ? Non, mais j'ai pas ça. On n'a pas ça, nous. Ah, non. Al-Baytu al-Haram ou Mekka. Non. C'est quoi que tu as ? Al-Baytu al-Abiyadu. Washington. La maison blanche est à Washington. Donc le chahid, El Beitou, El Abiyadou, fi Washington. La chahid, c'est Washington. Min haïthou, en ou Ism Alem Arjami. C'est une ville, Washington. Thumma, Sabi Achar. Zahaba Ahmadou, le Mohammedin. Naam. Zahaba Ahmadou, le Mohammedin. Ahmad est parti à Mohammed. Donc le chahid, أحمد بالتنوين ثامن عشر ذهب محمد إلى أحمد نعم ذهب محمد إلى أحمد محمد est parti à أحمد والشاهد c'est أحمد encore qu'il est مجرور par إلى donc tu dis أحمد تاسع عشر أنت من مكة لا أنا من طائفة أنا من طائف من الطائفي Il n'est pas ici. Mais là, pourquoi il y a des problèmes ? C'est comme ça, t'as des noms, ils se mettent à quel problème, d'autres ne le font pas. C'est comme ça. Ah, mais genre là, pareil, tu pourras pas trouver ça en les problèmes. Si je mets ça en les problèmes, ça va être autre chose. C'est comme El Medina. El Medina, c'est quelqu'un des problèmes. C'est comme ça. Ah, ben voilà, c'est ça. Il y en a d'autres, c'est obligé, par exemple, Riyad, on le verra toujours avec les problèmes. Tu verras toujours avec les problèmes. Si tu mets Riyad sans les problèmes, ça va être le sport. Ah, voilà, d'accord. Ou ça va être le jardin plutôt. Il y en a qui ne le prennent pas, comme Jeddah par exemple. Jeddah ne le prend pas, non. Es-tu de Mekka ? Non, je suis de Taif. Donc, le Shahid c'est Mekka. Taïeb, Isma'alem Mouannas, donc c'est Mekka. Et Shroun ? Pour Fatima, tu parles belle. Taïeb, la sœur de Fatima est une étudiante. Donc, le Shahid, Fatima, Moudaf Ilayi. Taïeb, Isma'alem. Moins 9. Comment on fait ça, quoi? Taïeb. La femme, là? Non. Juste un tambi. Ça, c'est la règle d'origine. qu'ils prennent une kaf, une fatha quand ils sont majrour. Seulement, il y a une condition. Il y a une condition, c'est qu'il seulement il n'y ait pas alif ou lam. Si tu mets alif ou lam, ou alifin. Si tu mets alif ou lam, ils prennent dans le jar, quand ils sont majrour, ils prennent kafra. Alors tu dis, dakhaltu fi al masajidi. Parce que là, il y a alif ou lam. Si tu mets alif ou lam, ça y est. Et ben après, ça sert avec une kafra. De quoi? Là, c'est Isma Alam. Il s'écrit tout ça comme ça, tu peux pas l'enlever. Si tu as le Maïf Olem, ça va être autre chose. Mais des fois, tu as des mots, il est dans la Kshira ou le Ma'alifa? Et là, c'est Taïfa donc. Hein? Et toi, ici? Là, pas ici. Ah non, il n'a rien celui-là. Mais les autres mots, je parle. Comme par exemple, tu dis Masajid. Tu dis Dakhatoufi Masajida. Et tu dis Dakhatoufi El Fil Masajidi. Si tu mets Alif Olem, tu mets une Kafra. Ça y est. À partir du moment où tu viens Ma'alifa, tu mets une. Je sais pas pour ce qui est autre des noms propres, parce que les noms propres font tout le temps Ma'alifa. Les couleurs par exemple. Ah non, fil Baytil Abiyadi, tu vas dire, par exemple, tu vois. Par contre, tu dis Dakhatou fil Baytil Abiyada. Et Dakhatou fil Baytil Abiyadi. Si elle est folème, ça y est. Ou pareil, s'il est Moudaf à Ma'alifa. Par exemple, tu dis. T'as fait le Coran, laisse Allah bi ahkamil hakimin. Ahkam, c'est comme Akbar. T'as vu? Ahkam, c'est le plus sage. Comme Akbar, c'est le plus grand. T'as vu? Là, il a dit bi ahkamil hakimin. Il a pas dit bi ahkamil hakimin. Pourquoi? Parce que là, ahkam, il est mudaf. Ou le hakimin, il est mudaf ilayhi. Donc là, il est mudaf à quoi? À Ma'alifa. Le mudaf ilayhi, il est alif al-lam. Donc la règle c'est à partir du moment où le mamnoum la sauf autre que les noms propres devient ma'alifa, il prend une kasra. Ahkam. Il est comme Ahdar, comme Akbar. Tu vois? Comme Ahmed. Voilà, comme Ahmed. Et comme il est mudaf à ma'alifa, bi ahkamil hakimin, hakimin pour alif al-lam, donc il est ma'alifa lui aussi. Voyez? Donc à ce moment-là, il prend une kasra. Dès que le mamnoum la sauf devient ma'alifa, autre que les noms propres, parce que les noms propres font tout le temps ma'alifa, il prend un kafra. Mais Hakimin, c'est pas ça. Ça t'accoule Salam tout, ala l'ulama'i. Pourquoi cela y a l'alif ulam? Sinon, tu dis salam tout, ala ulama'a. Fahimt? Bachou? Tu dis, aïssa Allahu bi ahkamil hakimin. Naam. C'est fini, tamim ou là? À quoi? Bi hakim. Là, hakimin, c'est yanoun. On n'a pas compris ça. On n'a pas encore pris la règle. Ah bon? Ma faute, c'est même Saïda. Taïeb. Ikra al-kalimat al-atiyata waktubaha ma zabti awakhiliha. Donc maintenant, lisez ces mots-là et mettez ce dont ils ont besoin. Faddal. نعم نعم ثالث لو بخذوا شكا لأحمد نعم أحمد نعم عثمان نعم باكستان نعم ثم خديجة نعم خديجة لندن لندن لماذا لندن لماذا مجرور لماذا هو مجرور كيف مجرور تدير لندن لماذا جاءت الفتحة لندن سيبا الآن لماذا أنت جعلته مجرورا؟ قلت له مجرور. يعني لحرف جر دفا؟ يعني مضاف دفا؟ لندن. أنت لا تدي أمينة. كيف تشانج مع لندن؟ كيف تبغى تدي أمينة؟ لا أمينة، بس كي يبقى حرف جر. le premier. on a dit أمينة. ouais. pourquoi on a pas dit أمينة؟ Ben ça c'est parce que Aminatou c'est un ismou l'allam. Ouais, pourquoi on a mis une Dhamma et pas une Fatra? Parce qu'il n'est pas. Il n'est pas quoi? Il n'est pas ismouïta. Il n'est pas quoi? Et là, la différence elle est où avec London? London il est tout seul, il n'y a pas d'Ahfajar devant. Pourquoi tu dis pas l'autre de nous? Ouais. C'est l'autre de nous. Ouais. Si tu n'as pas tout, tu restes sur l'origine, il est mal fort. T'as même? Fadbal. Il est un bardade. Naam. Istanbul. Naam. Makkah. Naam. Et Makkata. Jeddata. T'as dit Jeddata, c'est une ville à la Mecque? Saoudia. Ouais? Jedda. Jedda, c'est Saoudia. Jidda? Jedda. Ah. Là, il y a un grand port même. Il y a un grand port? De ce que je crois, de ce que je sais. C'est au bord de la mer, Jedda. C'est sur les côtes. Je crois qu'il y a un grand port à Jedda. J'ai jamais été, mais temps justement, sur la carte comme ça, Jedda, c'est sur la côte. Il y a, je crois qu'il y a un port à Jedda, Naam. Summa Massa Jidda, Massa Jidou. Naam. Faddal. Je vois pas, c'est comme... Madaris. Comme de... Jem Madrasa. Yaqoubou. C'est ça qu'on veut entendre, c'est ça le plus important. T'as dit Yaqoub, t'as fait Non, j'ai dit Yaqoubou. J'ai pas entendu, t'as dit. Thumma Ishaq. Ishaq. Naam. Mouawiya. Min Mouawiya. Naam. Ya Aishata. Naam. Aishata. Naam. Muhammadun. Naam. Khalidun. Naam. Al-Abbasin. Naam. Nu'man. Naam. Après ça? Naam. Nu'man ibn Bashir, sahabi. رابعا اكتب الاعداد من ثلاثة الى عشرة واجعل كلا من الكلمات الاتية معدودا لها. Donc là, on va prendre juste chacun avec un nombre entre Salafa et Ashara et vous le lisez correctement. Masjid, qu'est-ce que t'as coulé? Voilà, ça coule. Masjid. La casa. Ouais, voilà, ça coule. Masjid. La casa. Déjà, je t'avais fait une menace à toi, tu te rappelles? Je t'avais dit que je vais t'interroger. Quand tu m'avais dit Wahida Dakika ou Shnaten Dakika, je t'avais dit quoi? Le lendemain, je t'interrogeais, si tu réponds pas, je te tape avec le bâton. Ça va pas? Ben, là, il n'y a pas de bâton, là? Il y a des nals, alors. Comme les gens de la falsafa, on va te taper avec des nals et avec des trucs de palmier. Les falsafa, c'est qui ça? Les philosophes. Ceux qui aiment bien philosopher. Quand tu leur parles d'un truc avec des hadiles, ils parlent, non, mais tu sais, la vie, c'est, tu vois. Et eux, ils font des trucs de leur tête. Et eux, le chafé, il a dit, le hukm de la haoula, et nous t'offrons bim fil aswak ou yudra bil jara'id ou al nihal. Ces gens-là, le jugement que je leur accorderai, moi, c'est qu'on les fasse tourner dans les marchés, qu'on les tape à coups de sandales et à coups de feuilles de palmier. Pour leur dire, voilà, ala za'akibat liman taraka kitab wa sunnah. Pour celui qui délaisse le kitab wa sunnah, c'est ça qu'on lui fait. On le tape avec des sandales, on le tape avec des feuilles de palmier. Vous voyez? Eh bien, je vais faire ça comme châtiment celui qui révise pas le dernier. Chez nous, et tout. À base de tuyau de gaz, à base de Niall. Hein? C'est normal, c'est la radice chez nous. Ah oui? Donc je mets un coup de Niall. Bah, ça lâche à tout. Allez, ouais? Allez, ouais? Après? Le mardoute qu'il faut. Massadi. Allez, ouais? Sajidoun, dan, din, doun. C'est quoi la haraka? Massadi. Ouh. Donc, Kayoub, hâte le nal. Qu'est-ce que le nal, Yabi? Mais attends. هات لنا على كلاكيت كلاكيت قلت كلاكيت حط لي كلاكيت كيف لا تدافع عن هذا لا تتعصب لي لي انا خلاص دي جاتو سي تو بوت ها سي سا فوندو T'as de la chance, elles sont en plastique. Elles vont être en cuir bien solide. Elles sont légères les miennes, elles sont pas. Non, c'est ma défaut, c'est une mère. C'est quoi la haraka? C'est quoi la haraka? Massajidou. Salatou massajidou. Corrige-le. Masajida, c'est la haqallah, Mohamed. C'est la maman de notre femme. Ça, ça fait un coup. On va pas d'air, on va régler ça, Inch'Allah. Arba'atu fanadiqa. Naam. Mindil. Donc, si je veux, je les mets en truc. En quoi en truc? Par exemple, je mets Khamsou. C'est un muzakkar. C'est pas si je veux, il y a des règles. Mais je peux pas le mettre en Mohamed. C'est un muzakkar, donc là, c'est t'as une règle wajib à suivre. Je te parle du mot là. Mindil, je peux pas le mettre en Mohamed. Pourquoi tu veux mettre en Mohamed? Je peux pas dire une bateau. Pourquoi tu veux mettre en Mohamed? C'est un muzakkar, le mot. Tu dis une homme. Tu dis un maison. Un homme, mais une femme. Est-ce que tu dis une homme? Est-ce que tu dis un femme? Tu peux changer l'autre? Ben non. Là, c'est pareil. C'est pareil en arabe. Tu ne changes pas. Un mot de nature. Tu peux changer un adjectif. Par exemple, un prof ou professeur. Mais un mot d'origine d'une chose de nature, tu ne peux pas changer de sa nature. Si c'est un masculin, c'est un masculin. Mindil, c'est un mindil. C'est un mouchoir. Tu ne peux pas dire un mouchoir, une mouchoir. Alors, qu'est-ce que ça coûte? Je ne sais pas, comme ça. Manajil. Ça y est, on revient au même problème là. On veut la haraka à la fin. Manajil. Miftah. Sadiq. Sab'atu asdiqa. Asdiqa. Madame taxir bouyout. Tu dis khamsatou bouyouta. Khamsatou bouyout. Est-ce que tu dis khamsatou bouyouta? Il est le bouyouta. Ala le bouyouta. Non. Sajan taxir. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Asdiqa. C'est quoi sa particularité? Bah c'est parce qu'il y a alif et. Alif mamdoud. Ouais. T'as yib? C'est pour ça. C'est pas tout dim taxir qui rentre là-dedans. C'est certain. Et encore, c'est même pas forcément un djem, ça peut être un nom propre, un nom moufra, comme on a dit. C'est fini par Alif Mamdouda, il rentre là-dedans, comme on verra plus tard. Zamil. J'ai juste oublié le pluriel. Zoumala. Zoumala. Zoumala où? Sabaratum Zoumala. Nam. Kursiyou. Kursiyoun. Hatel l'adad, awalan. L'adad. On veut un chiffre, un nombre devant. Asharatu. Aïe, quoi? Karasiya. Naam. Alaykoum salam wa rahmatullah. Madrasa. Thamani madaris. Naam. Daqiqa. Bah. C'est ça. Tissot. Tissot. لكن اسمه دقيقة بعد دقائق. طيب وفي الحركة لك تسعو دقائق دقائق. طيب منقسم مفهوم. Comment tu dis une minute? Comment tu dis une minute? Une minute? Aïwa? Hâte le nal, Yadou Kayoum. Hâte le nal. Claquette, claquette. Hâte Abi. Hâte. Aïa? Khoul honak. Khoul, Wati. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit quoi? Répète, j'ai pas entendu. Comment on dit une minute? Je prépare le. Hat nal. Tu dis binal ya de Kayoum. Aya. Aya. Nal. Cousin nal. Mal kalam. Cousin nal. Il y a eu le vendu. Khras, khras ta biscuit, khras ta ta ta abak. Cousin nal. Bon. Comment tu dis une minute? Bah d'affiche. Wahida. Comment tu dis deux minutes? Deux minutes. Deux minutes. D'affiche. Je peux entendre Isna d'affiche ou Wahida d'affiche. Non, mais moi je suis pour savoir si est-ce que je peux les utiliser quand même. Quand tu peux les utiliser quand même? On a pris des règles. Comme tu me dis, moi je veux un Moutada, je veux qu'il soit Mansoub. Mohammedan fil Bayt, voilà. Est-ce que je peux? Ben non, ça c'est pas pareil. Si, c'est ça. S'il y a des règles. Tu peux l'utiliser, je pense que c'est ça que ça. Tu peux l'utiliser par exemple si tu veux être sûr. Par exemple, tu dis à quelqu'un, on se rejoint dans une minute, et toi tu lui dis Dakikatu Wahid. Non, mais il a pas dit, il a dit Wahida Dakika. Non, ça je me suis trompé, ça ne tombe pas. Parce que ça, le Wahid, jamais. Allez, quoi, tu mets avant. Tu mets après. Ouais, toujours après. Et pareil, tu dis pas Snain de Shay'an. Tu dis Shay'an. Shay'an ou bien. Bah, je peux pas mettre Ismail après. Tu peux mettre après. Voilà. Pardon. Ouais, c'est ça, mais de quoi dire. Tu peux mettre Ismail après. Tu peux dire Ismail, genre Rajoulan, Ismail. Voilà. Tu ne dis pas Ismail, Rijal. Non, après, Wahid, Ismail, toujours. Tayyib. Abdelhamdillah, comme on a le kitab. Tayyib. On a fini le kitab. Inch'Allah, nous sommes sept. On prendra une mouraja'a sali'a. Une minoukat al-kabira, le grand point du livre. Sur, t'es allé sur 2-3 jours, 4 jours. Ah, on a besoin de des gros points, du kitab. 3 jours, 4 jours. Ouais, haoula, haoula. Et le vocabulaire aussi, vous enregistrez les mots du livre. Ouais. Bah, tous les mots qu'on a pris là dans le livre, Mamana Kaza, Mamana Dokken, c'est-à-dire magasin. Le Jem, le Jem, le Sahara. Voilà, Majem a dit le Kalimat, donc révisez. Ouais. Vous voyez. Ça, je commencerai de vendredi soir, parce qu'on est ensemble. On s'en fera demain. C'est vrai, on va le faire, Inch'Allah. Bah, c'est bien, on va réviser ensemble. Ah. Comme ça, on va descendre le samedi, on va s'allumer. Là, le samedi, on se repose. Samedi, mange, Inch'Allah. Payez-vous. Voyez-la, Wuna. Walhamdulillah, Rabbil Alamin.